Book 2 أحد عشر onze onze الشهور les mois يناير janvier janvier février février février mars mars mars avril avril avril mayo mai mai junio juin juin هذه ستة أشهر. Ce sont six mois. Ce sont six mois. يناير, فبراير, مارس. Janvier, février, mars. Janvier, février, mars. Avril, mayo, ويونيو. Avril. Mai et juin. Avril, mai et juin. Julio. Juillet. Juillet. Agostos. Août. Août. September. Septembre. Septembre. October. Octobre. Octobre. November. Novembre. Novembre. December. Décembre. Décembre. وهذه أيضا ستة أشهر. Ce sont aussi six mois. Ce sont aussi six mois. Julio, Agostos, September. Juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre. October, November, and December. Octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre.